بسم الله الرحمن الرحيم. الآن ندخل في المسألة الرابعة عشر بعد المئة، 14 مسألة، في قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. Nous avons certes pris l'engagement avec Adam auparavant et qu'il a oublié. Sourate Taha, verset 115. قال المؤلف رحمه الله تعالى ظاهر هذه الآية أن آدم ناس العهد بالنهي عن أكل الشجرة لأن الشيطان قاسمه بالله أنه ناسح حتى دلاه بغرور وأنساه العهد وعليه فهو معذور لا عاص. Donc là pendant ces versets montre que Adam a oublié cet engagement qu'il a pris avec son Seigneur qui était l'interdiction de manger de l'arbre. Car en fait Shaitan a juré par Allah qu'il était pour lui un conseiller. Et cependant, il l'a trompé. Il l'a trompé en lui embellissant la chose. Il lui a fait oublier l'engagement qu'il avait avec son Seigneur par rapport à cet arbre. Donc en cela, Adam alayhi salam devait être excusé et non pas désobéissant. Il devait être excusé et non pas désobéissant. قال وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك ويقوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى. Et pourtant d'autres versets sont venus s'opposant à cela, démontrant que Adam a désobéi à son Seigneur. Sourate 121, verset Sourate Taha, verset 121. Que Allah a bien dit, tamam, وعصى آدم, que Adam a désobéi. قال الجواب عن هذا من وجهين. Donc il va répondre cela par deux façons. الأول وما قدمنا من عدم العذر بالنسيان لغير هذه الأمة. Première réponse, tout simplement que l'oubli est une chose qui n'était pas pardonnée aux communautés antérieures. Et cela est une chose qui est spécifique à notre communauté, comme nous l'avons pris dans des masailles précédentes. On l'avait cité ça auparavant. Par rapport à, dans Surat al-Kahf, par rapport aux trois, que si on entrait dans la milla des mouchriquines, ils ne réussiraient jamais. Donc là, première réponse, c'est que l'oubli est une chose qui n'était pas pardonnée. وَالثَّانِي أَنَّ فَنَاسِيَ بِمَعْنَا تَرَكَ والعرب ربما أطلقت النسيان بمعنى الترك ومنه قوله تعالى فاليوم ننساهم الآية والعلم عند الله تعالى. Deuxième réponse, tout simplement que l'oubli a le sens du délaissement, comme cela est connu, que parfois le mot délaissé a le sens, le mot oubli a le sens de délaissement. Et chez les Arabes, ça a été reconnu cela dans la langue arabe. Même dans le Coran, là, il dit quoi ? Aujourd'hui, nous les avons oubliés. Al-A'raf vers 51. Et alors que Allah n'oublie pas. Mais là, le sens oublié, c'est le sens délaissé. Naam. Hada wal jawab. Hana hadi al-mas'ala wa Allah ta'ala alam. Walhamdulillah bil alamin.